Antoine. Il avait ses principes, même qu'il s'appelait Léon. Oh oh oh oh, on vaut ce qu'on vaut. Sa vie était une tartine de malheur et de chagrin d'amour. On voyait sur sa mine qu'il en mangeait tous les jours. Oh oh oh oh, on vaut ce qu'on vaut. Il aurait bien voulu être pas. Il aurait bien voulu faire ce qu'il ne pouvait pas. Le plus malheureux, c'est qu'il était quand même heureux tel qu'il était. Il aimait une fille qu'il avait dans la peau. Elle est partie, il l'a eu dans le dos. Oh oh oh oh, on vaut ce qu'on vaut. Cette femme légère lui brisa son pauvre cœur, sans souci de lui faire porter des cornes à fleurs. Oh oh oh oh, on vaut ce qu'on vaut. Il aurait bien voulu être il n'était pas. Il aurait bien voulu faire ce qu'il ne pouvait pas. Le plus malheureux, c'est qu'il était quand même heureux tel qu'il était. Malgré tout ça, il fit fortune, gagna des millions, mais pour lui c'était comme des prunes, il était toujours aussi gentil. Oh oh oh oh, on vaut ce qu'on vaut. La morale de cette histoire, c'est que si l'on s'en trimballe un wagon, on peut connaître la gloire, même quand on s'appelle pas Léon. Oh oh oh oh.